Si, si. Héritier Watanabe de Bordeaux, les Koumfa. Je commence. Des fois, la vie nous impose d'être seul, comme un cadavre dans un cercueil. Mais il ne faut pas faire traîner les larmes sur tes yeux. Admire la sueur qui envahit ton front. Car le sourire de ta joue dépend de ça. Attends, vous dites. Pénalty de qualification de ta vie. José, tu dois marquer. Vous dites, Julien Adam Boga, la reine des tangas, Janine Diango. Boga, Elle est ma Boga, Sokole le Kole la nanani. Mon son, Osoa Obina, Misiki à Boga, Loka Elengi. Elle est ma bunga, elle est ma bunga, la vie na yo. Luka falanga osuwa obina miziki ya wana. Kiyo soho leader éclairé. Ambaga Ahmed Bakayoko Golden Boy. Il n'y a pas d'échec définitif. Même mon Dieu peut devenir un gagnant. Chance loco bamba. Le coiffeur du coin peut devenir coiffeur président. Condé de Para Isa Kalena la la.